en overdose de jour en jour. Un dérigueur. Pourtant, je t'aimais, mon amour. Un col cobra. Ah oui, je t'aimais. Un col cobra. À Derringer. Quand j'en ai un, la plus lacrocyte. Une danse lascive. En une intégrale. Quand j'en ai un, la plus lacrocyte. Une danse lascive. En une intégrale. Talons aiguilles. Un Derringer. Cuisses écartées, son hypnotique. Un Derringer. Tu baignes au fond de la piscine. Pourtant, je t'aimais, mon amour. Un col cobra. En overdose de jour. Un dérigueur. Pourtant, je t'aimais, mon amour. Un col cobra. Ah oui, je t'aimais. Un col cobra. Un Derringer. Ça va bien? Ça va, il n'y a rien dans le rien. Non. Monsieur le Président, je n'ai pas trop catholique, mesdames les voluptés. Mesdames, si vous êtes avec moi, mesdames, vous êtes toutes des voluptés. Et vous, chers résidents de la République, non, impudique, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. La table commence à tomber. Tranquillement. L'émission ne tardera pas aussi à tomber. Tranquillement. L'animateur se voit aussi. Tranquillement. Se voit ou se voit double. Régisseur et gros double, on leur demanderait de chercher le cornichon dans le pot. Je résume ceci. Au Québec. Simplement au Québec, pas ailleurs, parce que moi, j'ai voyagé partout. Mes souliers ont beaucoup voyagé. Voyez-vous. Et tous les cornichons québécois sont pas dans les pots. Non, surtout pas. Ils sont pas si croquants, ils sont mous. Quand t'es colonisé deux fois, t'es mou. Plus t'es mou, plus t'es soumis, plus ton gouvernement t'aime. T'es tellement mou pis soumis qu'il y a deux gouvernements au Québec. Faut-tu être assez mou pis soumis, tu vois? T'es même pas capable d'être un petit peu croquant, tu dis. Oh, ben ouais. On est né pour un petit pain, là. Si je le mange, je risque de m'étouffer, là. Ça fait deux fois qu'on m'a colonisé. La première fois, j'étais pas là. La deuxième fois, j'étais pas là. La troisième fois, ben, je serai plus là. Vive le vin. Vive le Québec. Vive le Québec, ivre. Ivre, ivre maudit. Oh, c'est le prédicateur, le grand prédicateur Ivre Roberts. Oh, c'est pas le fils de Julia. Julia Roberts, Roberts. Celle qui se prenait pour une grenouille, là. Roberts, Roberts. Elle m'a dit à l'oreille, pendant le film de Woody Allen. Qui? Woody Allen. C'est qui ça? Ben, c'est Woody Allen. C'est pas n'importe qui, là. Dis-moi pas que t'as l'air. Oui, je l'ai. En pleine émission, oui, en pleine émission, on coupe-tu? On peut pas couper. C'était tellement bon. Qu'est-ce qui était bon? Ben, ce que t'as fait avant. Avant quoi? Avant la chanson de Sandy Trash. Oh, qui? Sandy Trash. C'est qui, ça? Sandy Trash, le groupe Sandy Trash. L'as-tu déjà rencontré, Iran Srenaldienne? Non. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, malheureusement. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée. C'est parti. C'est parti. Pas Sandy Trash, mais mon hockey. Alors, je remercie tous les dieux. Dieu le Père, la Mère, le Fils et le Tout. Le Tout. Le Tout, l'entité. OK. Merci à l'entité. À l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme rénal de Le Néant Gagné. L'absurde aventure de l'errance s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et on dirait que la bouche n'a pas suivi. Elle ne suit jamais. Puis le cordon ombilical est descendu au à moins de zéro, mais juste à droite, pas à gauche. Pourquoi? Parce que la droite perd le combat. Bravo. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant lagagier, Reynald, le libertaire gagné. Attention. Non, c'est pas un vent. Ben oui, j'ai un vent de panique actuellement. J'ai reçu une dépêche, puis on m'a dit, ah ouais, vas-y, dépêche, dilate quoi? Dilate ton intégrité. J'ai jamais eu d'intégrité. Dilate. Ah, et là, j'ai déjà de la difficulté à trouver silate. Mon plancher de bois flottant doit comporter 15 lattes. Là, j'en cherche encore 11. Penses-tu qu'à 10 lattes, je vais pouvoir faire quelque chose? Oui, tu vas aller plus loin. Merci, monsieur. Attention, ça va bien. Les pompons plein cœur. Qui? Les pompons plein cœur. Qui? Les pompons plein cœur. Qui? Les pompons. Okay. Attention, Facebook. OK. Veux manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Plus ça me plaît, celui-là, parce que Jim Morrison, mon grand ami Jim, qui était jamais en jeans, toujours à poil, il n'y avait pas de poil, tout était brûlé, de l'intérieur et de l'extérieur, tout était brûlé chez lui. Mon intelligence est brûlée, pas besoin de Ne vous déplaise, ô Père Lachaise. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Reynaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Attention! Facebook! Non, arrêtons. OK, là, ici, maintenant, on l'a fait. Je l'ai vu dans ma tête, c'était écrit « Attention, Facebook! » Lâche ta tête! Et là, si je la lâche, ça va tomber. Puis si elle tombe, ça risque d'aller beaucoup mieux. C'est comme une gale. Elle est là! France, coupe pas ma gale. OK? Cherche pas la guerre, coupe pas ma gale. Coupe pas ma gale, souffre pas la guerre. Vas-y, ma guerre, y'a pas le foie. On continue, oui. Arrêtez de me dire allongé. Je peux pas allonger, moi. Plus allongé que ça, là. Je suis pas un café. Je suis pas un café, et puis y a pas de crème, pas de lait, pas de sucre. Pas de sucre, pas de lait, pas de... C'est du sirop d'érable. Qui? Non, c'est pas qui l'érable, là. C'est quoi? C'est du sirop d'érable. Quoi? On laisse faire. On va continuer à avoir du sirop, pas d'érable. OK. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait dans son recueil « Contes et nouvelles ». Là, les gens attendent le conte. Là. Puis là, j'ai quelque chose ici. Là. J'ai eu une missive qui m'a dit à moi, puis si elle ne te dit pas à toi, elle dit à qui? Elle dit à personne. À personne d'autre que moi. Parce que, entre guillemets, sur l'enveloppe, il y avait des gros guillemets, c'était « Si Rénal ne lit pas, ce sera jamais divulgué. » Donc, j'ai comme une mission. Je suis un missionnaire ce soir. Ouais, être un missionnaire, c'est... Je suis en croix, couché en croix écartée. J'attends le message. Et il m'est parvenu. Il t'est parvenu. Oui, il est arrivé. Arrivé. Ouais, par un pigeon. Qui? Un pigeon voyageur. Oh, il voyage. Il voyage au printemps de sa vie. Il meurt à l'automne de son existence. OK? Et le mot, c'est pas le mot, c'est une phrase. C'est une révélation. Oh mon Dieu, Nospalanus. Ça sent le Nospalanus. Croyez-moi. Dans les deux cas, ça vaut pas de l'aspalamus. Alors, l'important, crois-tu aux révolutions de Nostramanus? Je crois autant à cette vision-là qu'à celle de mon ancienne épouse qui m'a dit « Tu n'es qu'un crétin et tu tomberas dans la chrétienté. » Et puis? Je crois à la chrétienté. Oui. Tout puissant. Bon, l'important, c'est d'en baver. C'est bien de savoir ça, là, hein? Hey, aux petites heures du matin, là, on vient de finir notre plancher, on l'a ciré, on a glissé, on est tombé, on s'est cassé la gueule. On sait que le lendemain, on va se réveiller tout poqué pour en arriver à cette vision surréaliste qui est descendue du plafond. Quoique, on sait toujours que quand on est plafonné... On est plafonné. Du milieu, non, du trou. OK, on est plafonné du trou. Et l'important, c'est d'en baver. On a bien commencé, hein? Il me semble qu'à ma naissance, moi, j'en ai bavé. Je suis pas arrivé à 9 mois, moi. À 10 mois! Penses-tu qu'on a le goût de sortir à 10 mois? On est déjà prêt, là. On baigne dans l'huile. Pas l'huile végétale, moi, c'est de l'huile d'érable. Oh, c'était bon, c'était fou. J'ai vu une petite éclaircie. Oh, je veux pas voir ça, je veux rester dans le noir. Puis là, on m'a dit, oh, hey, fais-toi le rapport, là, pendant 25-30 ans, tu vas travailler dans le noir, dans la nuit. Tu vas être un gars de nuit. Tu n'es plus capable d'en nuit. Mais tu vas être un gars de nuit. Oui. Oh, sors donc. J'ai dit, non, je sors pas, moi, là. Je vais être malheureux si je sors. Pas grave, tu deviendras poète, tu feras une émission de radio, je vais faire des affaires. Je veux rien faire! Je veux évoluer à l'intérieur. À l'intérieur de ton monde? S'il vous plaît. Ben, OK. On va t'offrir une émission de radio. Pour être où? Dans ton monde. Merci! Alors, l'important, c'est d'en baver? Ben, vu comme ça, peut-être. On y va? Non, on reste là. On reste là! Maintenant. Et pour toujours, amène-toi! Alors, 13 septembre aujourd'hui, le 13 septembre 2013, l'errance et errance rénaldienne présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du contrôleur du bonheur, Emmanuel Arnault. Le contrôleur du bonheur sillonne le métro parisien. Chasse sans relâche la bourgeoisie. La bougonnerie, c'est pas la bourgeoisie. Les bourgeois, c'est pour des cochons. Ça devient vieux, puis ça devient bête. Les bourgeois, c'est... comme des cochons, ça devient vieux, plus ça devient... Le contrôleur de bonheur. Sillonne le métro parisien, chasse sans relâche la bougonnerie et fait sourire les passagers de 7 à 97 ans. Moi, j'ai même vu devant un enfant de 2 ans. Et il pleurait, le petit, là. Pas le contrôleur du bonheur, lui, riait. Le petit pleurait. Il pleurait du bonheur. Il me disait, bonheur, va te coucher de bonheur, toi. M'en va te coucher. Ils vont. C'est où le bonheur? Hein? Ça vient-tu le bonheur, là? Parce que j'en ai besoin. La tension est grande. Les gens pleurent souvent. Et on se demande où on s'en va. Bonheur, la porte est ouverte, hein? Je t'ai préparé des petits biscuits. Des petits biscuits au chocolat. S'il vous plaît, si tu pourrais ramener un peu de rire, un peu de réconfort. Celle qui m'a mis au monde pourrait peut-être, un jour, avant de nous quitter, rire à plein poumon. Mais qui est vraiment cet insaisissable contrôleur qui sait si bien détendre les usagers, ça c'est le moment d'émotion avec le bonheur, là. Détendre les usagers avec son gueulophone. Attention, c'est le gueulophone. Attention, c'est le gueulophone. Moi, j'appelle pas ça comme ça, moi. C'est pas un allophone, oui. En juillet 2012, hein, peu importe. Juillet 2012, Errance Renadienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cet homme impressionnant. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui, alors place aux mots, place au lyrisme renadien avec M. Arnault, le contrôleur du bonheur. What a confusion, a fellow lost his watch in the railroad station. What a confusion, a fellow lost his watch in the railroad station. A saga girl named Imelda was suspected of being the burglar. She had no purse, no pocket in her clothes, but where she hid their watch only goodness knows. And they were hearing tick, tick, tick, everybody looking. Tick, tick, tick, see them how they're searching. Tick, tick, tick, that's all they're hearing, but they couldn't find out where the watch was hiding. Under suspicion, they took her down to the police station and sent for the matron to examine all the clothes that she had on. The matron examined with care. She even made her pull down her long hair. She searched till she couldn't search no more, but their watch now ticking louder than before. And they're hearing tick, tick, tick, everybody looking. Tick, tick, tick, see them how they're searching. Tick, tick, tick, that's all they're hearing, but they couldn't find out where the watch was hiding. The matron hit on an idea that she could find their watch around somewhere. She said she had an incentive that she could find their watch if given privilege to divest Miss Melda entirely and search her as if she was crazy. The search was such, so they decided that the matron turned Melda's inside outside and they're hearing tick, tick, tick, everybody looking. Tick, tick, tick, see them how they're searching. Tick, tick, tick, that's all they're hearing, but they couldn't find out where the watch was hiding. Now in the station, the matron searching by inspiration. The watch ticking louder and louder, and the matron moving up closer. The matron is convinced, there's no doubt. She pushed her hand up inside Nelda's mouth. And do you know her eye there came true? For when she found the watch, it was 10 to 2. Still ticking, tick, tick, tick. Everybody looking, tick, tick, tick. I see them how they're searching, tick, tick, tick. That's all they hear, but they now find out where the watch was hiding. Hey, hey, hey, hey, hey, salut, comment ça va? Ouais, super. Excellent. Bon, enfin. Ben oui. Je t'ai vu passer comme une flèche. Ben oui, oui, parce que le Guibert, il m'a quand même bien dit Saint-Jean, donc... Non, non, non. J'ai compris Saint-Jean. Du coup, j'ai bien ma femme. Il faut dire qu'il y avait du bruit aussi. Oui, il y avait beaucoup de bruit. Et quand je t'ai appelé tout à l'heure, j'étais à côté du métro, donc c'était... D'accord. Ouais. Ok. Bonjour. Bonjour. Emmanuel. Bonsoir. Contrôleur du bonheur. Et voilà, c'est ça. Ouais, je contrôle le souhait des gens, moi, dans les rames du métro. Ah ouais, ouais, d'accord. Justement, il y en a besoin du bonheur. Dans le c'est vrai, ouais. Mais j'y arrive, hein, là, par exemple, d'Anthony à Gare du Nord, j'ai fait applaudir 2 fois la rame. Ah, sur 120 personnes, j'ai eu un cas de bougonnerie. Ouais. Ça va. Un type qui m'a dit, non, moi, je ne serais pas, tu m'as cassé les pieds. J'ai dit, oh là, on a un beau cas de bougonnerie. Bon, c'est étalé ce que je représente la bougonnerie. Ouais, ouais. Ouais. Comment ça va toi? Ouais, ça va toujours quand on est trop plein de bonheur. Oui, ouais, c'est ça. Bah, malgré les nuages. Malgré les nuages. Tu sais, comme je dis toujours, moi je suis pas un pessimiste. Je suis pas un optimiste à toute épreuve, mais un pessimiste averti. Ok. Dis-moi, avant toute chose, parce que j'ai plus du tout d'unité, est-ce que je peux prévenir ma petite femme qu'on a rendez-vous ici? Oui. Ça t'embête pas? Non, pas du tout. Oh, c'est gentil. Merci. Mais là, moi, il faut que tu fasses plus. Oui. Je vais débuter le truc. Là. Oui. Plus 33. Là, tu fais ton numéro. OK. À partir du 6, tu oublies 0. OK. À partir du 6, j'oublie 0. OK. Donc, 6, 31, 51, 13, 56. OK. J'appuie ici. OK. Ouais. Tu peux aussi ici. Alors, ah, à oui, droite, voilà. C'est ça. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Oui, je pense que... Non, il se passe rien. Ah bon. Okay, garde-moi le numéro, je vais le faire. 06, enfin 6, ouais. 31, 51, 13... Attends un peu, 6, 6, 1, 5, 1. Voilà, 13, oui. 56. Ok, voilà. Je te remercie. Oui, monsieur. C'est déjà le deuxième téléphone que j'utilise comme ça. Ah oui, bon. Bonjour. Voilà, une crèche. Et puis ça répond pas? Il y a 06. Ah non, il y a une petite erreur. Ah ok, vas-y. Alors. 6. Oui, plus. Donc 06. Et 6. 31. Oui. 51. Oui. 13. Oui. 56. Okay. Excuse-moi, Renal. Ah, il n'y a pas de problème. Ok, c'est à toi. Merci. Deuxième prise. Ce sera la bonne. C'est la meilleure. Bonjour. Sonia? J'ai appris, ils sont... Je crois pas. Non. Non. Ah, on peut comme ça, il décroche. Ah, ça, c'est sur sa messagerie. Bon. Oui, personne que j'essaie de joindre qui n'est pas disponible. Aller à sa femme de ma vie, aller à son assistante joviale. Finalement, nous ne sommes pas au Saint-Jean, mais au Sancerre, qui est un petit peu plus loin. Donc tu marches au trottoir en direction la rue Le Pic. 35. Oui, c'est au 35, en rue des Abbesses. Hein. De toute façon, tu nous verras tout de suite. Hein. Donc tu dirais pour aller vers la rue Le Pic. Ok? Salut mon cœur, à tout de suite. Bisous d'amour. Voilà, excellent. Super. Bon, excusez-moi, je peux vous demander un demi? Alors, elle... Oui. Okay. Monsieur, Bonjour. Je vous prends ma main, une passion. Passion, Carlsberg, Blanche, Polaner ou Grimbergen. Je vais prendre une 16. Je recommence. Ah pardon, excusez-moi, je suis d'accord, vous n'avez pas de 16. Je l'aurais dit. Oui, mais il me semble que j'avais entendu 16 pour ça. Alors, c'est quoi la Polaner? C'est allemand, c'est ça? C'est allemand, c'est une bière un peu assez légère, c'est un peu comme la Heineken, on va dire. D'accord. Ce qui va ressembler le plus à la celle, ça sera la Kalsberg. D'accord, ok. Ouais, je prends une Kalsberg. Voilà, merci. Excuse-moi. Ah, c'est pas grave. À l'origine, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va, René. Oh, OK. À l'origine, tu étais journaliste? Oui, je suis toujours. OK. Je suis toujours. J'écris, je travaille sur d'autres projets aussi. Mais qu'est-ce que tu faisais pour... J'ai lu dans une biographie que tu étais anciennement journaliste. Pourquoi on dit anciennement journaliste? Ils se sont trompés, okay. Simplement, en fait. Okay. Ils se sont trompés dû au fait que je n'exerce plus beaucoup, si tu veux. Mais tu écrivais dans quel... Alors, j'écrivais pour le... D'abord, j'ai commencé au magazine Nova. Okay. Qui a été créé par Jean-François Bizot, un type assez génial, hein, puisqu'il a créé Radio Nova, Actuel. Et donc j'ai débuté à Nova, j'ai fait aussi Technique Art, avec qui je suis très fâché. Okay. J'ai fait péter trois dents sur un reportage par un gang de rue, tu vois, et ils ont parce pas que voulu. Tu faisais un reportage sur eux? Oui, sur les gangs intramuros, parce qu'on se connaissait. Oui, à Paris. Donc, intramuros et intra-Paris. Oui. Parce qu'en fait, si tu veux, on connaissait les gangs de banlieue. Mais en fait, il y a toujours eu des gangs, si tu veux, sur Paris. Mmh. Mais si ce n'est qu'on n'en parlait pas jusqu'au jour où il y a eu pas mal d'échauffourées pour des histoires de territoire, etc. Parce que, bon, les mecs deal, il y a pas mal de deals de cam, etc. Un peu comme au Canada, au Québec, de toute façon. Hein. Mais, voilà, moi, j'étais débarqué vite. Vite fait, bien fait, New York. Donc, New York. Oui, j'ai passé 3 ans là-bas. Et si tu veux, j'ai plongé sur cette idée directement. Puis, dans mon système d'investigation, je pratique l'immersion. Au départ, soit je révèle ou pas, je suis journaliste. Là, en l'occurrence, j'avais révélé que j'étais journaliste. Il valait mieux que je la joue franco, brut de pomme. Donc, j'avais déjà les grands frères dans ma poche, les plus anciens. Puis un beau jour, je me suis fait alpaguer par des gamins, dirons-nous. Oui. Et puis, bon, en fait, les gamins, il s'avérait que c'était des mecs qui faisaient 1m90, 95, tu vois, des épaules. Pour la notoriété, ils t'ont foutu une baffe. Oui, une solide. Hein, ils m'ont foutu plus qu'une baffe. Je me suis pris une raclée, ils voulaient me prendre mon matos, etc. Donc, il y en a 3 qui m'ont sauté dessus. D'abord, je me suis pris un high kick. J'ai une dent qui a volé, puis après 2 autres. Oui. Et puis, le magazine n'a pas voulu... si tu veux payer pour mes dents ni quoi que ce soit, du coup moi j'aurais joué un tour à ma façon, c'est à dire que j'aurais pas remis le texte et j'ai attendu le dernier moment, c'est juste avant que le magazine parte en imprimerie. Okay. Donc évidemment ça les a mis un peu dans la merde et puis ils ont essayé de m'assassiner dans leur édito, tu vois. Bon, voilà, je me suis grillé auprès de Technique Art. C'est pour ça que c'est de là vient le fait que tu es un ancien journaliste comme on l'entend aujourd'hui. Oui, peut-être. Tu es plutôt cybernétique aujourd'hui. Oui, voilà, oui. Mais sinon, bon, j'ai travaillé aussi pour VSD, j'ai travaillé aussi pour FHM, qui est plus international, comme tu le sais. J'ai travaillé également pour le magazine Max, qui n'existe plus maintenant, en tout cas en France. Mais c'était pas sur un cadrage un peu hors norme, là, le Max. Il était plus gros que les autres. Si, oui, c'était assez grand. Comme cartonné. Oui, cartonné. Ah, ouais, merci. Ouais. Mais à l'origine, toi, tu viens d'ici, tu es parisien. Oui, alors, moi, je suis assez world citizen, on pourrait dire. Je suis, si tu veux, d'origine juive d'abord, okay, juive polaque et italien. Okay. Donc, je suis né à Paris? Non, je suis né en Belgique, accidentellement. Okay. Donc c'est vraiment, j'ai un parcours très atypique, si tu veux, quoi. Donc je suis d'origine parisienne, si tu veux, au départ, avec des origines ashkénazes et séfarades, ce qui pousse un ami séfarade à me chambrer tout le temps, en me disant, tu vois, le matin, tu ne dois pas savoir si tu dois rire ou pleurer, puisque tu as la différente culture, tu vois, séfarade, c'est plus « Yalla, la fête !» Et ashkénaz, c'est... Voilà. Et donc, si tu veux, j'ai... Par incidemment, mon père ouvrait une affaire en Belgique lorsque ma mère a accouché. Mon père, il était architecte décorateur, puis il était peintre aussi. Peintre, oui, pas peintre en bâtiment, artiste peintre. Okay. Et très autodestructeur surtout. Et puis un type qui montait des affaires un peu partout. Dans quel sens ? Dans quel sens? Dans le genre, il pouvait monter une affaire vraiment qui cartonnait et puis se saborder à un moment donné, okay. En plein donc, élan. Ça, c'est le créateur ouais, voilà. Ravagé. Oui, ouais, complètement. Donc, et puis voilà, après... Et ta mère? Ma mère était... elle vient plutôt d'un univers prolo, tu vois. Donc, elle élevait ses enfants. Voilà, elle élevait ses enfants. Elle était femme au foyer ouais. Mais coiffeuse d'abord. Ah, elle okay. a commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Ce fait quand je fais le portrait familial, puisque ça fait des donc, années... Donc, elle n'a pas de formation, elle l'a appris sur le tas. Oui, voilà. Et comme je dis si bien, quand je donne le portrait de mes parents, je dis « Maman lisait Nous deux et Intimité », qui sont des magazines, ouais, tu sais, ouais, romans photo. Ouais, romans photo. Romans photo, oui, oui. Romans photo. Et comme c'était la mode à l'époque, et papa lisait Sartre. Okay. Voilà, ça c'est le portrait familial, parce que c'est vrai que mon père vient d'une famille de juifs polonais aristo déchus. Voilà, avec ma grand-mère qui était une femme formidable, qui avait beaucoup de goût, le sens de la beauté, mais aussi un sens de la vie et avec beaucoup d'humanité, puisque bon bah étant, ouais, mais alors elle m'a appris par exemple ce qu'elle appelait la politesse du cœur et non pas la politesse prout-prout ma chère. Okay. Voilà, elle m'a éduqué avec ça, c'est elle qui m'a communiqué son goût pour la littérature par exemple. Voilà, j'ai 8 ans, elle m'a offert mes deux premiers livres. Avec le côté philo, c'était les fables de La Fontaine. Et pour le côté développer le sens de l'extraordinaire, et avec une certaine pédagogie, Jules Verne, avec Voyage autour de la Lune. Et puis après, j'ai dévoré tous les autres Jules Verne, forcément. Et toi, ce qui t'a amené au journalisme, c'est quoi? C'est la recherche oui, la vérité, c'est, ou, oui, voilà, en fait, c'est plein de choses. C'est plein de choses. Comme je te dis, j'ai un parcours assez atypique. Quoi. Moi, j'ai... On commençait quoi par une formation générale? Non, du tout. Moi, j'ai une formation de vie, une formation de terrain, une formation de rue. Okay. Tu veux, moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans. J'ai commencé à travailler dans la coiffure. J'ai... Pour suivre ta mère? Non, du tout. C'est les choses qui ont... Okay. Non, pas du tout. Okay. Vraiment, ça a été aucune un... Aucune formation de... Aucune formation. J'ai été mis à la porte de la dernière école que j'ai fait. Okay. Tu veux, parce que j'étais aussi un élève assez particulier. Très bon dans les matières qui m'intéressaient. Très mauvais dans celles qui ne m'intéressaient pas. Et puis, une espèce de rébellion continue. Bon, ça c'est dû aussi sans doute à un parcours chaotique sur le plan familial, puisque mon père nous a largués, comme je le dis si bien aussi dans un portrait, parce que si tu veux, Renel, ça fait des années pour qu'on me tanne pour que j'écrive une bio. Parce que c'est vrai, comme j'ai vraiment, sans vouloir me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, j'ai vraiment un parcours très très bizarre. Ouais, irrégulier, très bizarre. Donc imagine, à l'âge de 9 ans, mon père nous largue comme des grosses merdes, une femme, deux enfants et des huissiers devant la porte, à Knokke-le-Zoet, ville où t'as Jacques Brel qui a donné son premier concert. Ouais. C'est la côte belge. Si on la connaît, c'est comment ça brille, sinon... Ben oui, c'est un peu le Deauville de la côte belge, okay. Si tu veux. Où en fait, le sport national, c'est la baise. Tu vois, les gens adorent... Monsieur a la maîtresse en dessous du lit. Oui. Encore aujourd'hui. C'est oui, oui. C'est, et madame a son amant planqué dans le placard. C'est un vaudeville à plein temps. Okay. Ouais, okay. Et c'est en même temps le Deauville, voilà. Et c'est le Deauville de la côte belge en même temps. Et donc moi j'étais élevé là-dedans. J'étais une espèce de gosse assez précoce qui n'a pas eu d'adolescence. Je suis passé directement de l'état d'enfant à l'état de petit homme. Parce qu'à 14 ans, j'avais une maîtresse qui avait 28 ans. Okay. Donc ça m'a amené à pas mal de choses. Après, pareil en coiffure, j'étais le jouet de ces dames. Et puis à 15 ans, rupture totale avec ma mère et mon beau-père, si je veux, qui lui était un personnage aussi assez atypique, truand de l'après-guerre, avec cette espèce, tu sais, de morale... mais en même temps une bonne morale aussi, tu vois, un sens, tu sais, c'est un type un peu à la Gabin, quand tu vois Gabin dans les rôles de truand, voilà, ouais, du riff un peu militarisé, avec un parce qu'élevé par un père en plus ancien légionnaire, ancien résistant, etc. Et donc quand il est revenu la première fois avec un cocard à la maison, son père lui en a remis un deuxième en lui disant tiens, ça t'apprendra à te faire battre. Ouais, donc voilà, moi j'étais élevé un peu avec cette... Et puis ben, le jour de mes 15 ans, rupture totale, je prends mes clics et mes claques, je pars, je me retrouve dans une communauté de Baba Cool qui puisse le... À côté de Gand. C'était à Saint-Martin-la-Thème, qui est un... Ça c'est dans les années... c'est fin des années 70. Ben oui, parce que t'es plus jeune que moi. 64. Ah, 60, ok. Je suis plus âgé. Légèrement. Voilà. Mais de 3 cheveux. Ah, de 3 cheveux. J'aime bien l'expression. 3 cheveux. J'aime bien les. Alors oui, et ensuite, moi d'habitude je dis quelques poussières. C'est ça, 3 cheveux, c'est pas mal. Parce que t'es coiffeur, ancien coiffeur, donc on va rester dans le côté capillaire. D'accord. Mais alors donc de fil en aiguille, si tu veux. Babacool, oui. Babacool, une communauté qui s'appelait World Community, montée par un avocat qui avait flashé sur les ashrams en Inde et les kibbutz en Israël. Et peut-être le LSD aussi. Lui non, mais okay. D'autres l'ont fait pour lui, je crois. Okay. Et lui-même était fils d'un peintre mystique flamand. I'm praying for rain in California so the grapes can grow and they can make more wine. And I'm sitting in a honky in Chicago with a broken heart and a woman on my mind. I match the man behind the bar for the jukebox, and the music takes me back to Tennessee. Ask who's the fool in the corner crying. I say, little old wine drinker me. I came here last week from down in Nashville, 'cause my baby left for Florida on a train. I thought I'd get a job and just forget her, but in Chicago a broken heart is still the same. I match the man behind the bar for the jukebox, and the music takes me back to Tennessee. When they ask who's the fool in the corner crying, I say, little old wine drinker me. I say, little old wine drinker me. Mais y'a rien de rien dans la tête à Freddy. Dans les bigorneaux, y'a du manganèse, y'a de la pectine dans les chevrotines, électricité dans l'acide citrique, dans le patchouli y'a des brocolis. Mais y'a rien de rien dans la tête à Freddy. Mannequin de province pour slip de chasse, pour gilet de sauvetage et bottes de voile, il est sombre et lourd comme un ampli de basse, il est vide et creux comme un os à moelle. J'y peux rien, c'est ton nouveau mari Freddy. Il est tout pâle, il est tout diabétique. Mais toi ton Freddy, tu l'as dans la peau, il est tout morose, il est tout dramatique. Mais c'est ça qui te plaît, tu l'adores ce salaud. Je suis pas jaloux d'un mec comme lui Freddy. La Saint-Valentin, ça l'a tous en du slip. Il a déboulé les bras chargés de cadeaux, un robot mixeur et un bouquet de tulipes, une bague à crédit et un sac à guano. Tu l'as foutu dans sa mairie Freddy. Tu l'as foutu tu danses à Mary, Freddy. On n'a jamais pu dire si vous êtes fécond de Buzzville, du Havre ou bien d'Alençon, Tancarville, de Brickbeck, de Bolbec ou de la banlieue de Caen. À la gare Saint-Lazare, Cyprien, mais Jean Bisson, il est retourné dans sa Normandie, Freddy. Parce que si tu veux, Saint-Martin-la-Thème, qui était la campagne belge, les Flandres, le charme même des Flandres, était aussi une campagne très bourgeoise. Ça a été l'école de peinture des peintres comme Ansor, Permègue, des choses comme ça, des gens comme ça. Comme il y avait une grande, si tu veux, pas mal de terrain, avec des dépendances, etc. C'est là où il a monté, si tu veux, sur le domaine familial, c'est le mot que je cherchais. Il a monté cette communauté avec une ancienne ferme, qu'il a rebâti en magasin bio, resto végétarien, etc. Donc il vivait en autarcie complète, en indépendance aussi, puisque voilà. Et en plus, il y avait des gens qui arrivaient du monde entier. Okay. Tu vas voir, le community, ça portait bien son nom. Et puis, ben, comme ça, moi, j'ai rencontré Mais pas mal de. Tu es arrivé là au début ou en plein milieu? Je suis arrivé vers la fin. Ça fait du bien. À la nôtre, à la magie de la rencontre. Et bien voilà, c'est ça, au Québec et à la France. Et voilà, au Québec et à la France, la magie de la rencontre. Alors, toi, tu es arrivé au début de Non, je suis arrivé presque sur la fin. Ok. Donc, voilà. Okay. Et là, bon, bah, multiculture, etc. Ça allait dans mon sens. Puis je suis resté là quelques mois. Puis ensuite, ravissant. Ravissant, je trouve. Et donc, moi, je suis arrivé, si tu veux, à un moment donné où j'ai rencontré, par exemple, un Polonais né au Brésil qui cultivait du sésame et de l'herbe à Manaus, qui était à l'époque encore en pleine Amazonie. Hein. C'est lui le premier qui m'a emmené à Amsterdam, par exemple. Parce que là aussi, j'ai une belle rencontre. Petite anecdote, excuse-moi pour la digression. Imagine un gamin de 14 ans, donc qui est un jouet de sésame, qui coupe les cheveux en quatre sans coiffure, etc. Où je masse et je papouille le crâne des femmes. Et jeune baba cool, tu vois, déjà fumeur d'herbe, hein, je flash sur Amsterdam, qui était pour moi la terre mythique des baba cool dans mon genre. Un jour, je lis un reportage sur Amsterdam, tu veux, dans un magazine féminin. Pardon. Exemple L. Voilà, exemple L. Et là, ce magazine donc un reportage sur Amsterdam où il y a deux photos de fresques murales, représentant l'une un orang-outan suspendu à une branche et l'autre un éléphant en train de charger. Et je me dis, waouh, si un jour je vais à Amsterdam, je veux voir ces fresques. Donc je fais cette promesse de môme. Et un an passe. Le jour de mes 15 ans, je fracasse avec mon beau-père, je quitte le toit familial, tu vois, parce que ma mère reprend pour lui. Bon, moi je prends mes clics et mes claques, je me retrouve donc dans cette communauté. Et là, je rencontre ce type, Pedro, né au Brésil, d'origine polonaise. C'était la pub Camel en vrai, tu sais, l'ancienne pub, le blond tanné par le soleil, cheveux bouclés, tenue safari, toujours à pieds nus, joue au foot à pieds nus, fumait son joint comme un gros macho. Un personnage. Un sacré personnage. Et lui et moi, un jour, on doit aller à 12 km de là, c'est-à-dire à Gand. Lui, une raison toute bête, lui devait aller au pressing, et moi je devais aller pour des raisons administratives. Okay. Et pour nous driver, il y a un Américain qui était pour un temps à la communauté, John, 73 ans. Lui, c'est un ancien ingénieur des ponts et chaussées à la retraite, veuf. Il estimait que ses enfants étaient grands, qu'il avait bien rempli sa vie sur le plan social. Donc il se faisait plaisir en se faisant un tour du monde. Et pour ce, il s'était acheté pour l'Europe une Citroën ID. Et donc, il nous drive, il nous fait un lift. Et puis, dans la voiture, on discute avec lui. On dit, et toi, John, où tu vas? Il dit, moi, je vais jusqu'au Danemark. Et pour ce, je passe par la Hollande, plus exactement par Rotterdam. Et mon pote me regarde et me fait, tu sais, Emmanuel, ça fait 13 ans, 12 ans que je ne suis plus venu en Europe. Et j'ai des potes qui habitent à Amsterdam, que je n'ai plus revu depuis cette époque-là. Ça te plairait d'aller faire un tour à Amsterdam? Je dis, j'en rêve. Et hop, là-dessus, au lieu de nous arrêter à Gand, on ouvre la partie jusqu'à Rotterdam. Rotterdam, la gare, ticket de train, Ben oui, on déboule à Amsterdam et on se retrouve en plein milieu du quartier rouge. Et là, sans que je me souvienne ma promesse de môme, je me retrouve face à cette fresque. Là, je dis, ouais, génial, j'ai tenu ma promesse. Oh, oui. Bon, parce que... Sans trop y penser, là, t'es arrivé demain. Oui, et... complètement. Ouais, ouais. Vraiment, c'est tombé. Comme quoi, oui, mais ce qui m'a permis de comprendre, et ça, tu vas le voir par la suite de mon histoire avec l'épilogue, que pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Enfin, c'est tel que je le conçois. Si tu veux, j'ai même écrit cette histoire que je suis en train de te raconter sous forme de nouvelle, qui s'appelle Mektoub. Parce qu'il n'y a pas de mot, je trouve, dans la langue française qui définit mieux ça, le mieux. Parce que, si tu veux, Mektoub, ça veut dire à la fois le destin, ça veut dire c'est écrit, c'est, donc c'est, ça vient donc de l'arabe. Et donc, je passe 3 jours de folie, je suis un Américain naturalisé hollandais, vraiment le portrait craché des Freaks Bros. Longue barbe, longs cheveux. Il habite à un 2e étage dans son appartement. Déjà, j'apprends à découvrir, tu sais, les maisons hollandaises avec des escaliers très raides, avec la corde, tu sais, qui suit quand tu appuies sur la sonnette. C'est vraiment le tir la bobinette et bobinette Sherra. Dans les années 70 au Québec, c'était fréquent. Amsterdam, c'est toujours encore comme ça. Oui, et je me retrouve dans un appartement, 2e étage, Harley Davidson dans son salon. Un chien gros en brillard avec des yeux rouges, alcoolique et fan de cocktails de Margarita. Des plaquettes de hache partout, tu vois. Un poids de l'herbe. En tant que gamin, de 15 ans, qui a les yeux comme ça. Ouais, c'est ça, comme le chien. Exactement, comme le toutou. Et donc, je passe 3 jours de folie. Bon, les années passent, ok. 4 ans plus tard, j'ai 19 ans. Je suis devenu à l'époque, j'étais ce qu'on appelle un voyoucrate. J'entends par là que j'étais un aristocrate de la voyoucratie. Donc c'est-à-dire que je faisais des choses, mais pas n'importe quoi. Et des choses que je n'aurais jamais faites. Encore okay. Aujourd'hui Non, aujourd'hui j'ai laissé ce côté-là, j'ai changé mon fusil d'épaule, puisque là j'ai dents, etc. Ou la seule chose que je fais encore, si tu veux, c'est voler des fleuristes, mais attention, pas des petits artisans. Parce que j'ai trop de respect pour les petits artisans. Et chez des fleurs, je me transforme non pas en Robin des Bois, mais en Robin des Fleurs. Et c'est des fleurs que je vais offrir aux premières femmes souriantes. Tu vois, les premiers jolis sourires féminins. Et comment ces gens le prennent Le don? Bien. Alors au début, il y a des femmes qui le refusent parce qu'elles croient que c'est payant. Arriver, etc. Ok. Mais... Que tu tends la main en même temps. Voilà, donc. Mais c'est pas le cas, donc le prennent plutôt bien. Donc c'est le seul truc que j'ai gardé de mes gènes criminogènes. Donc je me transforme en Robin des Fleurs pour le coup. Mais bon, donc là je reviens à ces fameux 19 ans, donc 4 ans plus tard, j'ai 19 ans. La vie me sourit, tu vois, je suis un voyoucrate tranquille, gentil, tu vois. Et en plus, je suis en train de lâcher ce côté-là, puisque. Le fruit de toute cette expérience et de l'argent que j'ai pu en faire, j'ai investi dans les concerts de jazz, plus exactement de free jazz, à Bruxelles. C'est-à-dire qu'avec mon cousin, qui est un vrai faux cousin en réalité, c'est un ami qui, comme moi, est parti à 15 ans de chez ses parents, qui, comme moi, est fils de Parisien, exilé en Belgique, hein, et comme moi, squatteur de filles et de fils de bourgeois. Hein, où on est les types qui ramenons le bon son, la bonne herbe, etc. On est fan de Funkadelic, Parliament, George Clinton, si ça te parle, tu vois. George Clinton, c'est un des papes du funk. Effectivement. Et qui n'est pas reconnu, malheureusement, à sa juste valeur. Oui. Et d'ailleurs, quand il vient sur Paris, il vient souvent faire une jam session chez mon cousin, qui est maintenant devenu producteur de musique de films. C'est lui qui fait toutes les musiques de Clapiche. Avant ça, il était directeur... excuse-moi si je digresse. Directeur de programmation de Radio Nova pendant 10 ans. Il a été introduit à Radio Nova par le type qui a découvert l'humoriste Jamel Debbouze. Donc, c'est lui qui a fait rentrer mon cousin à Radio Nova. Donc, par l'intermédiaire de mon cousin, c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-François Bizot. Et quand je dis mon cousin, en réalité, donc, comme je t'ai dit, c'est mon vrai faux cousin. C'est comme ça que je le définis. Que tu t'es accaparé. Voilà, exactement. Choisi. Comme j'ai une frangine aussi. C'est une fille, en et fait. Qui n'est pas véritablement ta soeur. Non, en fait, si tu veux, elle, par exemple, je l'ai rencontrée lorsque j'avais 15 ans. Et ben, justement, quand j'ai atterri dans cette communauté, et quand je l'ai rencontré dans cette communauté, quand j'ai découvert que c'était une donjon féminin, je me suis dit, oh là, elle va me rendre fou de jalousie si j'en fais ma petite amie. Okay. Donc je préfère en faire ma maîtresse occasionnelle, oh, et oui, je préfère en faire une frangine. Donc c'était toujours ma confidente, mm-hmm, j'étais son confident quand on avait besoin d'affection ou plus. Elle était là, comme moi j'étais là, donc dans un grand lit, etc. Mm-hmm. Et puis surtout, j'ai assisté à la naissance de sa première fille, okay, j'avais 17 ans à l'époque, okay, puis après de son fils. Donc je suis devenu parrain de la première, et puis l'oncle du deuxième, et puis à la troisième, je suis arrivé avec deux jours de retard. Donc je suis devenu aussi tonton, tu vois, je suis devenu un tonton adoptif, okay, de plein de gosses comme ça aussi. Donc je me suis fait ma propre famille. Okay. Donc c'est vrai, comme dit Renaud dans une chanson, on choisit jamais sa famille, on choisit toujours ses copains, mais on choisit jamais ça. Non, ça c'est Maxime Le Forestier. On choisit jamais ses parents, on choisit pas sa famille. Ah oui, c'est vrai, pardon. Oui, Maxime Le Forestier. T'as raison. Oui. Moi, je sais pas pourquoi j'avais attribué ça à Renaud. Ah ben Renaud, c'est je suis une gang de jeunes à moi tout seul peut-être. Oui, t'as raison. C'est bon. Mais et puis c'est ça, là, de fil en aiguille. Alors pour en revenir à mon fameux truc avec Amsterdam, j'y reviens. Donc si tu veux, 19 ans, la vie me sourit, tu vois, j'ai de l'argent, je produis des concerts avec mon cousin, c'est quelque chose qui me ravit, enfin, nous ravit, on est une petite bande, une espèce de communauté à nous tout seuls, c'est-à-dire, enfin, on vit à peu près 8 personnes dans le même appartement, cet argent s'aide un peu à aider tout le monde et tout, et un jour, je vais aux fêtes de Gand, c'est des fêtes absolument incroyables, c'est une fois par an. Il faut d'abord savoir que les Flamands en Belgique, c'est un peu comme les Allemands. C'est Arbeit, Arbeit toute l'année, tu vois. Et puis 10 jours par an où ils se démontent la tête, tu vois. Ils se déchirent vraiment. Tu as vraiment le centre-ville qui est fermé à la circulation. Tu as des concerts partout, dans les caves, au rez-de-chaussée. Oh, oui. Tout le monde vend de l'alcool à tout vent et à tout vent. C'est un genre de festival. Ouais, vraiment, c'est génial. Oui. Ça existe depuis au moins 30 ans, que je dis, 40, peut-être plus. Et là, je suis dans un concert, je vois une petite brunette sur laquelle je flash, elle flash sur moi aussi. On se retrouve dans l'appartement d'un ami, si tu veux un studio, où tu as une énorme terrasse, sous un orage, donc vraiment le truc est idyllique. On se retrouve en train de faire l'amour sous l'orage. Les gens qui sont dans l'appartement, d'abord, nous jettent un drap sur nous, parce qu'on ne voit plus personne autour de nous, tu vois, nous. Pour la pudeur. Voilà. Et finalement, quand on sort la tête de dessous le drap, on voit qu'il n'y a même plus personne dans cet appartement, tellement on a dû gêner tout le monde. Et on ne connaissait même pas nos prénoms. Donc le lendemain, on fait connaissance socialement. Et lorsqu'on fait connaissance socialement, elle m'explique, bon, je dis, moi, c'est Emmanuel, je suis de Paris, j'habite Bruxelles, nanana, je produis concert de jazz et tout. Et puis elle m'explique, elle s'appelle Yorin, qu'elle est hollandaise, d'Amsterdam. Là-dessus, je lui raconte mon anecdote avec la fameuse fresque murale. Elle me fait, tu vas rire, je dis, ah bon ? Elle me dit, oui, c'est mon père qui a fait cette fresque. Tu vois un peu ? C'est extraordinaire, quand même. Et donc, par la suite, je me retrouve avec de gros problèmes d'impôts, etc., en Belgique, parce qu'on ne payait pas la SACEM et tout et tout. Elle me dit, moi, je retourne vivre à Amsterdam, parce que la Belgique, c'est un peu trop petit pour moi et tout. Donc, si tu veux, viens avec moi. Et c'est comme ça que je suis parti vivre à Amsterdam et que j'ai rencontré le fameux peintre de cette fresque. Donc, c'est une histoire vraiment qui a été bouclée jusqu'au bout. C'est une boucle. Voilà, exactement. C'est un triptyque. En même temps. Et à quel âge le journalisme est... Alors, à quel âge ? Alors ça, c'est bien après avoir exercé en tant qu'agent artistique, parce que j'étais assistant à mise en scène à théâtre, agent artistique par la suite, dans une grosse boîte et tout et tout. Et j'ai eu un drame, malheureusement, j'ai été agent artistique parce que j'avais ma femme qui était comédienne à l'époque, ma première femme, ma concubine, qui était une merveilleuse comédienne d'origine kabyle et tout, qui est décédé. D'abord, j'ai un ami qui est décédé, donc j'étais l'agent, qui s'appelait Cyril Collard. Ah oui. Il a fait une nuit fauve. Et donc, j'étais l'agent. Et ce qui était aussi avant tout un ami. Et puis, d'abord, il y a lui qui est décédé. Ensuite, il y a ma femme, décédée d'une crise d'asthme à 28 ans. Là, ça m'a... Floriane Clamel, pas connue du grand public, parce que quand je l'ai connue, elle était blacklistée, parce qu'elle avait giflé un comédien connu. Il y avait eu des gestes déplacés. Pour ne pas le citer, c'est Roger Hanin, un gros porc, tu vois, qui avait eu des gestes déplacés. Lui, son scénariste, envers une gamine de 18 ans qui n'avait pas de pied gauche. C'était une beauté à la Jamie, tu vois. souffle dans ton pays le jour et bien souvent la nuit. Ce vent qui fait danser la mer est violent comme le tonnerre. Ou alors il se calme et devient le plus doux de tous les musiciens. Le Mistral ressemble à l'amour car il est fou et si tendre. Fais danser les fleurs, je l'entends vivre dans mon cœur. Il chante si fort et si bien à l'instant où tu me reviens. C'est lui qui te ramène vers moi quand tu viens te jeter dans mes bras. Le Mistral ressemble à l'amour et vous aimez rire ensemble. C'est aussi bon qu'un Hey, tu l'aimes ton Eh, monsieur. Tu vas faire un grand succès. C'est quoi? C'est comme le poète. Poète québécois, Mistral. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder le temps qui s'en va. Voir que le temps, je sais pas vous. Les gens me regardent, là, sans doute. Puis ils jugent. Ridiculise, mon beau René Séché. C'est pas René, c'est Renaud. Renaud Séché. Je l'aime, Renaud Séché. Mais oui, tout le monde l'aime, on l'embrasse. Bonjour, aide-toi. Bon. Et toi, le seul t'aidera. Elle est toute belle, montée à 4 épingles. Ouais, mais on l'a essayé hier sur 3 épingles, ça a tombé, mon gars. Ah! Oh. Je vous dis pas à deux, c'était des petites jambes, hein? Elle était excité. On était excités, montait ça sur 2 épingles. Oh! On se disait, si ça fonctionne, on vient de créer un monstre. Un beau monstre, là. Une monstresse. Elle était montée. On était 4 bûcherons. On était 4 bûcherons prêts. J'ai dû les monter. On était prêts, puis pas tout à fait... il faut dire inquiet. Très inquiet. On savait que tous les médias étaient rivés sur nous. Les informations, là, le téléjournal, comment ils disent ça, hein? Le TV, le TP, le TLP. TLP, RGNA, Quarest, TLMN, OPURSU, ça, c'est de l'anglais qui se cale. Comme, j'espère que cette langue-là, un jour, tombera de cette belle palissade juchée en haut de toute moquerie. Jean-Pierre Mocky. Elle était toute belle, montée à 4 épingles. C'est ça, à 2, on va la voir, et si elle avance vers nous, c'est comme Frankenstein. Si elle avance vers nous, ça veut dire que notre prototype est presque gagnant. Donc, le 4 épingles ne fonctionnera plus. Il va falloir dire « Elle est montée à deux épingles ». Mais voyons donc, c'est comme si sont 36, on peut pas dire si sont 32. Mais hey, arrêtez donc! Il n'y a rien qui tient. On peut tout changer. Ça dépend de nous. T'es un moitié. Oh, je suis un moitié intelligent, un moitié sot. Moitié-moitié, moi. Plus dans le seau que dans... Ah! Puis là, il y a de l'eau, puis ils ont rajouté quoi? C'est du savon, du très bon savon. C'est du savon nettoie-tout. Pas du nettoie-tout! C'est du savon nettoie-tout qui s'y frotte, c'est le savon nettoie-tout qui s'y frotte de partout. Bonjour les enfants! Quand tes parents en ont ras-le-bol de toi, dis-leur, « Maman, je vais faire le lavage avec toi! » Si tu veux me placer dans la laveuse, j'aimerais aussi te faire des petits bonjours dans la vitre. Et si elle veut, appelle la police. Elle veut te tuer. Mais voyons donc, toi, qu'est-ce que tu dis là? Ben, il faut tenir en garde nos enfants. Les adultes sont tellement incompétents. Il n'y a pas de... Saviez-vous, Mme Thibodeau, qu'il n'y a pas de permis pour faire des enfants, mais il y a des permis pour chasser? Il y a des permis pour conduire un véhicule, une moto. Il y a un permis pour toute chose, mais pas pour faire des enfants. Comment doit-on comprendre ça? Écoute. En 1970, au moment où j'ai vu le jour, moi, là, j'ai ouvert le collet et je suis sorti. J'ai vu ce qui se passait. J'ai voulu rentrer. Mais là, le médecin, comme la semaine dernière, il y a quelques temps, m'a tiré avec sa main, là, c'était un homme, hein, puis une main d'homme, là, qui te dit, viens-t'en ici, là. J'étais déjà entaché par la masculinité. Comment? Masculinité? Masculinité. Voyons, non, dis des mots que tu comprends. Masculinité? Masculinité. Évogue, évogue, évogue, évogue, évogue. Amen. Tout voisin, nous avons cherché par la patronne, nous ne savons pas ce que vous avez dit. Amen. Et monsieur Germain, il y a trois épingles. Amen. Mais non, pas trois épingles! L'impair ne fonctionne pas dans la vie. Vous saviez ça? Mais non, mais tu vas nous le dire. Ben oui. Quand tu es à deux personnes, toi et ta concubine ou ton concubin ou ton babin, babébé, ton babouin, plus ton babouin que ton... Attends quoi. Et tu discutes avec, ça va bien. Une troisième personne, là, tu sais plus qui regarder. Est-ce que tu vas avantager la belle Jocelyne ou le crapaud Renlow? Ben, tu vas aller vers Jocelyne en disant... Oui, oui, je sais, Jocelyne. Moi, j'ai un beau radeau, moi, là. Un très beau radeau. J'ai pas de lac, là, mais un beau radeau. Mais c'est acheté un bain. Oh! Un bain compresseur. Il fait comme je veux. Moi, là, j'ai un petit bouton, là, ça s'ouvre, madame chose. Oh! Puis là, on peut s'amuser. C'est avec un jalousie. Jalousie? Jalousie? Ah, il y a de la jalousie là-dedans. Ah! Oh. L'eau fait des petites bulles. Dis-moi, je fais des plus gros dents. Je fais des bulles plus immenses. Puis là, il y a une autre bulle qui est plus petite. Elle dit, attends, moi aussi, je vais grossir. Hey, moi, là, la fraternité des bulles, là, je suis pas là-dedans, moi. Ben, quoi que l'émission fabule depuis combien d'années? Comment ça fait trop longtemps, vous, là? Sortez-moi ça, cette famille. Vous êtes qui? Oh, madame. Ben, voyons donc. C'est Rita Bibelot. Vous avez changé votre couleur de cheveux, vous, là? Oh, vous êtes lavé, les cheveux. Non, ils sont beaux. C'est quoi, ces bruns caramel? C'est butterscotch. Deux scotch, pas de glace. C'est vieilli combien d'âge? Vous avez quel âge? 92? 52? Oh mon Dieu, ça vous vieillit, ça. Hein? Le bac de scotch, 3 verres, 2 glaces. 3-0-4-7. On va gagner, je te le dis, on va gagner. On va aller en supplémentaire, Mme Thibodeau. On va aller en supplémentaire. Ça ne fermera pas 3 heures, ça. Là. On va le dire 4h30. C'est comme quand c'est le temps de la Saint-Jean. On laisse des fois des petites surprises. Hein? On dit, oh, écoutez, vous êtes 250 dans un bar de vin. Là. On va barrer les portes, on va continuer l'affaire. Puis là, il y a des gens qui veulent sortir. Là. Non, on vous sortirait pas. On barre. Vous allez aux toilettes dormir. Hey, 25 personnes dans les toilettes, ça fait pas juste dormir. Hein? Il y en a là-dedans qui ont ah, yo, moi, là, je digère pas ça. La. C'est quoi, c'est clabato-bop? Oh, la mop était pas propre. Oh, monsieur! C'est plus de la mop, ça, c'est de la saleté. Puis moi, la saleté, j'aime pas bien ça, je suis allergique à toutes les saletés. Puis là, quand je sors à l'extérieur, imaginez-vous, une voiture passe, pff, toute sa boucane au visage. Ah, oh, j'ai éternu, j'ai le tympan qui flotte. Ah! Oh, le regard flou, la babine pendante, la langue qui... Ah, c'est... Comme si j'avais tombé en bas d'un troisième étage. Oh. Alors, elle est toute belle, montée à quatre épingles. On va la laisser à quatre. Que voulez-vous, madame? On ne peut pas faire autrement. Puis si on change la donne, elle ne voudra plus donner une scène à ses KRL, puis ses KRL, mais on compte sur vous, hein? Si vous voulez être membre, c'est 25$. S'il vous plaît. On est tellement gentil. Rentrez chez nous, allez voir 405 3e avenue. C'est simple, là. 405 3e avenue, vous rentrez. C'est déjà très beau. Il y a une petite pente. Vous montez à la pente. Déjà là, vous êtes gagnant. Alors, vous dites, je ne vais pas monter à la pente pour rien, moi, là. Hein? Mais allez voir la Squatter. La Squatter est là. Là, vous dites, bonjour, vous êtes SKRL. Là, vous dites, ben merci, je sais, hein, je me doutais. Il y a comme une musique qui joue, là. Ben oui, c'est la musique de SKRL. Oui, il y a un gars à radio, là. Un gars, je sais pas si c'est un gars, mais en tout cas, il y a quelque chose, un spectre à radio la nuit, qui nous a dit, venez membre de SKRL. J'ai 25$. J'ai 25$, je voudrais être membre. C'est quelle émission? Je sais-tu quelle émission? C'est quelle... Hein? Zoom, zoom, balabalaboum. Non, c'est le vendredi, jeudi, minuit. Minuit chrétien. Ah, ça doit être minuit chrétien. C'est bon, on a prié toute la nuit avec lui. Ah, il est drôle, hein? Pas drôle. Non, c'est pas dans le sens de rigolo, c'est dans le sens de bizarre. I'm on my knees for those double D's. Oui. Mais comment tu as fait pour rencontrer Cyril Collard? Pour rencontrer Cyril Collard. Alors, Cyril Collard, bon, ça c'est Dieu, bon, 25 ans. J'ai une rencontre ratée avec Serge Gainsbourg. C'est-à-dire que là, à l'époque, je faisais de la musique. Bon, je te fais un topo assez résumé, si on ne va pas s'en sortir. Gainsbourg, trop malade à l'époque, etc. À quelle année? Ça, c'était en 89. Ok, you're under arrest. Ouais, ouais. Voilà. Et Gainsbourg, trop malade, etc. Je rencontre, mais il me donne 6 mois pour faire une maquette de clip. Bon, je ne reconnais pas c'était encore. C'était quoi, mon légionnaire ou Non, à l'époque, pour lui. Ouais. Oh, je crois qu'il n'avait même plus d'album, c'était encore après. Il avait déjà eu plusieurs hospitalisations. Okay. Et moi, je l'avais rencontré suite à une annonce que je lui avais passée dans l'IB. Okay. En gros, si tu veux, à l'époque, je ressemblais assez fort. Okay. Pas de profil, mais de face. C'est vrai qu'on voyait des photos de Gainsbourg jeune, okay. Et moi à 20 ans. Okay. Et je me dis, tiens, puisque tout le monde m'appelait Gainsbourg, okay. J'avais monté un gros bateau avec un pote à l'époque, Marco Prince, le chanteur de FFF. Oui. Bah oui. Et donc, il m'appelait chaque fois Gainsbourg. Et chaque fois que je déboulais dans une soirée branchée, tu vois, parisienne, dont j'avais les cartons d'invite par mon fameux vrai faux cousin, mm-hmm. Tu vois, les gens, c'est, puisque j'ai une gueule, ce qu'on appelle une gueule, et qu'elle est très belle, je faisais un peu la belle et la bête, mm-hmm. Chaque fois quand je me pointais, j'allais dire bonjour à Marco, puis à un autre pote qui était aussi dans la combine, on se disait bonjour, puis je partais au bar chercher mon verre, puis les gens le questionnaient, on s'en... Lui demandant, mais c'est qui ce mec? Il dit, il faut le dire à personne, c'est le fils caché de Gainsbourg. Mais il ne faut pas lui répéter, parce que ça lui fout les boules, parce que Gainsbourg n'a pas voulu le reconnaître. Et donc, de temps en temps, tu as un mec qui osait me demander, tu as tout à coup des mecs qui venaient m'offrir des coups, ou des rails de coke, puisqu'à l'époque, je carburais un petit peu, tu vois. Bon, là, je carbure juste au ginseng, et voilà, à l'énergie pure, à l'amour. Et un petit pétard de temps en temps, quoi. Mais il y a surtout une petite bière ou un petit coup de rouge. Et voilà. Et donc, de temps en temps, t'en as un ou une qui osait me demander, et puis je les rembarrais, tu vois. Et finalement, ça m'est monté à la tête, cette histoire. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne serais pas son fils spirituel? Pourquoi est-ce qu'il ne produirait pas, finalement, musicalement parlant? Okay. Alors, même si je chante faux, etc., j'ai une bonne voix parlée. Mes textes sont... paraîtrait-il assez gainsbourgien. Je n'aimais pas d'ailleurs cette connotation parce que j'estimais avoir ma propre identité. Mais à partir du moment où si toi et moi, par exemple, on est à l'opposé dans le monde, hein, toi tu habites tu es à l'autre bout du monde, moi à l'autre bout, et qu'on a les mêmes lectures, on écoute la même musique, on est inspiré par les mêmes choses, forcément ce que tu écriras, tu vois, sera assez proche. Bonjour. Eh bien, je présente ma femme, ma fidèle assistante joviale. Vous pouvez continuer, hein. Bonjour. Oups. Enchanté. Anna. Ma belle italienne, alias mon assistante joviale, et surtout ma femme plurielle. C'est bien. Et Cyril Collard? Alors, Cyril Collard, donc, par la suite, donc, rencontre ratée Gainsbourg, puisqu'il est trop malade, etc. J'atterris finalement sur une pièce de théâtre, sur laquelle travaille... ma compagne donc, de l'époque, ma femme de l'époque, d'un auteur polonais du début du siècle dernier qui s'appelle Wickiewicz et tout et tout. Là, ça me, je suis transporté, donc je m'improvise assistant à mise en scène, attaché de presse, et comme ça ne me suffit pas, comme j'en ai marre de voir les comédiens galérer, a fortiori ma femme, je commence à harceler les directeurs de casting, les metteurs en scène, etc., en lui disant, en gros, c'est vous que j'entends dire que vous découvrez, que vous targuez de découvrir les stars de demain dans les petites salles obscures, c'est bizarre, moi je travaille dans une petite salle obscure et je ne vous ai jamais vu. Et donc là-dessus, j'ai pas mal de retours et tout, les comédiens viennent me trouver en me disant, mais bravo, ce que tu fais, c'est un métier d'agent, tu devrais être agent. Donc je me retrouve à la tête d'une petite agence, en gros, hein, je résume, qui se casse la gueule. Je me fais remarquer, et au bout de 3 mois, tu vois, parce que j'enfonce des portes, je me retrouve sollicité par des grosses agences parisiennes, et une m'intéresse plus que l'autre. C'est un type qui est un grand bonhomme, qui a été un grand bonhomme, puisqu'il est décédé maintenant, il était déjà très âgé, qui a été mon mentor aussi, qui s'appelle Georges Baume. C'est l'homme qui a découvert Delon, qui a été le petit ami de Delon à ses débuts. Et qui était l'agent à l'époque de Polanski, Jeanne Moreau, etc. Et cet homme-là me reçoit, si tu veux. En me proposant, moi je lui dis, voilà, je ne veux pas devenir votre assistant, mais votre collaborateur. Il me dit, qu'est-ce que vous entendez? Parce que les autres me proposaient assistant, mais sans mes comédiens, en m'occupant que de leurs comédiens, de leur agence. Okay. Je lui dis, mais attendez, moi je n'existerai pas si eux n'existaient pas. Donc en tant qu'agent. Donc si vous me prenez, c'est avec eux sans ou rien. Alors qu'à l'époque, j'avais zéro franc, etc. Donc c'était un gros pari. Et Georges Baume, j'arrive devant lui, donc en lui disant, je ne veux pas devenir votre assistant, mais votre collaborateur. Il me demande, qu'est-ce que vous entendez par là? Je dis, bien avoir carte blanche pour mon propre département. Et là-dessus, je lui dis, ben écoutez, c'est avoir mes comédiens. Il me dit, oui, d'accord, mais est-ce que vous vous intéressez au réalisateur? Je dis, je ne demande que cela. Si tu peux, t'en avant. Moi, j'avais déjà un comédien qui commençait à bien marcher, qui s'appelle Chick Ortega, qui a été découvert déjà dans Delicatessen. Ça, lui, m'a été présenté par un comédien malheureusement décédé, qui s'appelle Tiki Olgado, dont j'étais l'agent de sa femme, déjà à mes débuts d'agent. Et Tiki, pour me faire une fleur, me dit, voilà, moi je tourne là avec Chick Ortega sur le prochain film de Gérard Jugnot, qui va s'appeler Une époque formidable. Chick Ortega qui va faire un des rôles principaux, puisqu'on sera quatre, hein, avec Jugnot, Boringer, n'a pas d'agent. Donc si tu veux, je te présente pour que tu deviennes son agent. Bon, parfait. Entre temps, j'ai aussi un ami qui s'appelle Diego Porres, assistant réalisateur, qui me fait lire un livre qui s'appelle Les Nuits Fauves. Je flash sur le livre. Et du coup, il me dit, mais je te présente l'auteur qui va aussi réaliser un film. Et là-dessus, petit dîner entre amis, chez lui, je rencontre Cyril. Effectivement, le courant passe super bien, à tous les niveaux. Surtout que tous les deux, on se trouve un film en commun, comme film culte. Okay. Un film de Carlos Saura, qui s'appelle « Deprisa, Deprisa ». Tu vois, tu connais? Oui. Ah, je veux que tu aies fait du cinéma. Ben oui, cette formation en études cinématographiques. D'accord, qui est un film formidable, sur la jeunesse de la pré-franquisme, avec en plus des morceaux de musique que j'adore, comme Mike et Dolores. Non, c'est vrai que ça n'a pas vieilli. Ma femme l'a retrouvé il n'y a pas longtemps. En téléchargeant, heureusement. C'est très dur comme recherche, ça a mis quelques mois, je crois. Et donc, du coup, avec Cyril, je lui ai proposé de devenir son agent. Et le journalisme aussi. Alors, par la suite, si tu veux, quand ma femme est décédée, donc je suis parti à Volo, si tu veux, pendant 7 ans, enfin, j'étais vraiment HS. Là, j'étais erré à New York, dans un état lamentable, je ne dis pas, quoi, je touchais un peu à tout. J'ai vraiment touché le fond. Le fond, le bottom of the bottom, et comme on dit si bien. Et quand j'ai réussi à remonter un peu à la surface, à renaître de mes cendres, c'est en rentrant à Radio Nova. C'est-à-dire à l'époque, je revenais vivre à Paris, en 2001. Et je ne sais pas pourquoi, je passe devant l'immeuble de Nova. Je dis, tiens, c'est dommage, les bonnes années d'actuel, ce vrai journaliste d'investigation à la sauce Günther Wallraff, l'auteur de Tête de Turc ou Hunter Thompson, Las Vegas Parano et avec ce magazine Nova, mais c'est de la grosse dope, c'est un truc pour branchouille, bobo. Et là-dessus, je rentre. Je dis, Jean-François n'est pas là, comme si je le connaissais depuis toujours et tout. Et on me dit, non, il est parti déjeuner, mais il reviendra tout à l'heure. Bon, là-dessus. Je le vois, je fais, mais Jean-François, c'est quoi ton magazine? C'est de la grosse dope. Là-dessus, c'est le genre de mec qui aimait bien qu'on lui rentre dedans. Il fait, qu'est-ce que tu as à me proposer, petit con? Comme ça. Mm-hmm. Et je sors un truc qui me vient comme ça, en tête. Je dis un reportage sur Pigalle de l'intérieur, les cabarets. Il me dit, ok, banco. Je dis, mais combien tu me donnes? Il me dit, entre 2 et 6 pages. Je dis, ok, pari tenu. Là-dessus, je me pointe à Pigalle. Donc, ce jour-là, je revenais à Paris où j'avais un ami qui m'hébergeait un mois, j'avais 100 francs en poche, une carte téléphone, c'est tout ce que j'avais. Et je débarque à Pigalle avec une canette de bière, la soif, et pour me donner un peu du cœur au ventre. Et je vois un bar qui s'appelle le Nuki, qui est à côté du Noctambule. Je vois un type une gueule, bonne gueule de séfarade qui s'appelle Gérard, alias Gégé pour les intimes. Une gueule de tu vois, de séfarade à être dans un bon film de, de Melville. Oui, tu vois, oui, genre, oui. Avec à côté de lui une beurette, c'est comme ça que j'ai décrit dans l'article. Si tu veux, je t'enverrai à l'occasion les articles. Oui. Avec une beurette blondifiée aux lèvres néon. Et je vais voir ce type, je lui dis salut pour un cousin. Que mes origines juives, je dis pour un cousin qui a le sens du commerce, qui parle six langues, parce que je parle six langues, et qui est à la ramasse, t'aurais pas du boulot ? Et le mec me fait, ça se pourrait. Cinq minutes après, j'étais assis au bar, avec un sky devant moi, tu vois, et une blonde siliconée derrière, genre Loana de... tu vois, qui fait un strip et tout. Et dix minutes plus tard, c'est un Mr. Quintal qui vient me chercher, le gros Daniel, qui m'emmène dans sa boîte centrale, qui s'appelait le Central, et qui me fait descendre dans son burlingue. Moi, je me demandais si elle allait passer la porte. Et donc, son bureau, c'était dans la cave. Et je vois un tas de bifton étendu comme ça. Et il me fait signer un pseudo-contrat de réceptionniste pour commencer le soir même comme rabatteur. Et aussi, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'entre-temps, parce que je voulais vraiment faire un travail undercover jusqu'au bout, comme je me disais qu'il y avait des flics qui mouillaient dedans, etc., des mœurs sans doute et tout, j'ai été me chercher des faux papiers. Pas difficile, pour ça j'étais dans un commissariat, me chercher un certificat de perte de papier. Okay. Et je me suis fait appeler Vincent. Mais tu peux en avoir facilement ? Oui. Ah oui, okay. Ouais. Ici à Paris, tu peux... Encore aujourd'hui ? Je pense, hein, ça peut être, j'ai plus tant d'expérience depuis, mais si tu vas dans, si t'amènes en tête, je me suis payé un personnage qui s'appelait Vincent Dupin, tu vois, sur un nom existant, okay. Un ami, et donc très vite, si tu veux, je suis devenu de Vincent, je suis devenu Vince, okay. Parce que Gérard, GG, etc. Et comme en plus j'étais bon dans ce boulot, comme ils avaient besoin de têtes de blanc, puisque la plupart du temps, tu remarqueras sur le boulevard, c'est que des têtes d'arabes, des choses comme ça, donc... pour diversifier un peu, puis parce que ça met plus le bamé en confiance. Alors le bamé, par exemple, d'ailleurs c'était le titre de mon reportage, c'était le Noël des bamés. Le bamé, par exemple, petite digression encore une fois, c'est le terme spécifique qui désigne le pigeon. Et c'est un terme qui n'existe que sur Pigalle, que tu n'entendras jamais ailleurs. Il y a deux termes sur Pigalle pour désigner le pigeon, c'est le bamé ou le calamar. Et donc, comme j'étais bon dans le boulot, puisque je parlais plusieurs langues, etc., j'ai commencé à être embauché par tous les cabarets. J'ai fait tout le boulevard. Et puis, de rabatteur, je suis devenu aussi encaisseur, pseudo-maître d'hôtel. C'est le mec en costard-cravate. Alors, le soir, j'avais mes petits rituels, etc. Et je ne vivais et ne mangeais et respirais que boulevard, comme tous ceux du boulevard. Okay. C'est marrant, mais c'est des gens qui ne sortent jamais de là. Ou alors, si, les rares fois où ils sortent de là, c'est pour aller sur les Champs-Élysées. Parce que pour eux, c'est la consécration. Okay. C'est les champs. Oh, oui. Alors, ils portent tous des costards, tu sais, assez lumineux. C'est le Broadway. Ouais, exactement. C'est même encore sous Broadway, je trouve. Oui. Tu vois, c'est, je suis même été, à un moment donné, petit ami d'une stripteaseuse, etc. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon premier reportage sur le nom de Vince. Alors, donc j'ai signé Emmanuel Arnaud, mais comme j'étais pas assez rassuré à l'époque sur mon style d'écriture, je me suis adjoint l'aide d'un ami qui était scénariste au départ. Okay. Et qui est plus un télo, si tu veux, plus dans une démarche intellectuelle et moins dans l'action. Ça lui fait un peu peur. Enfin. Donc finalement, ça a été l'alchimie de trois regards, si tu veux. À la fois deux auteurs et un photographe. Okay. Un plus un télo comme auteur, l'autre plus dedans, plus dans la vie, plus j'écris moi un peu comme je parle. Mmh. Et donc, si tu veux, c'est devenu un peu les aventures de Vince. Okay. Un peu à la sauce Gonzo. Donc c'est pour ça que j'ai déposé le terme Gonzo Reporter, du reste. Okay. À l'époque. Ouais. Et après, j'ai continué dans la même foulée. On a continué avec un reportage sur les étudiants marocains de la cité U. Parce qu'il y avait une magouille entre le rectorat de Paris et le gouvernement marocain qui voulait faire éjecter tous les étudiants gauchistes. Okay. Tu vois, une sombre magouille. J'ai fait les cathos intégristes avec ma... Ça, c'est quoi, dans les années fin 80 Non, c'est bien plus tard. Je te dis, j'ai commencé en 2001, ça. Ok, 2001. Okay, 2001, okay. Donc en fin 2001, j'ai le premier reportage qui est sorti. Okay. En réalité, je l'avais fait au mois d'août, mais il est sorti au mois de décembre. Okay. Après, j'ai fait les étudiants de la Cité U, les...

m'en a crissé un bon, j'ai crissé une garnotte, il m'en a crissé deux, trois bons, ben j'ai donné mes culottes. Le fond de cette toune-là, c'est quand tu te la pépites, t'es relax, niaise pas trop dans les bords, mon gars, si t'es pas sapé comme un pape. Quand t'arrives à la fin d'une toune, qu'il te reste plus rien, même pas tes claques, c'est pas drôle, non, non, mon petit coup, une tête faite avoir par des grands Mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu deviennes l'homme qui procure le bonheur? Comment tu t'es offert ce titre-là? Mais écoute, je crois que c'est un cheminement en même temps normal. OK. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller? Mmh. Ben, d'abord, bon, faut savoir, contrôleur de bonheur, je l'ai fait, comme je t'ai dit peut-être tout à l'heure, en revenant des États-Unis. Le hasard a fait que, bon, d'abord, je suis parti aux États-Unis pendant 3 ans, suite à une grosse déconvenue professionnelle, on m'a volé une idée de reportage auquel je tenais. J'ai fait un premier reportage filmé sur des squatters dans un bâtiment anciennement mythique, puisqu'il a été détruit, c'était l'ancien New Moon. J'étais le dernier à avoir filmé les images. Dès que le jour où je récupère, si tu veux, je t'enverrai plaisir. Grand plaisir. Parce que je vois que tu es féru de, tu vois, fois de Paris, de Paris de cinéma. Et... Non, mais c'est connu. Bah oui. Et là, j'ai même revu un peintre qui est un ami, qui s'appelle Neil Gitting, qui lui est devenu en fait le peintre du New Moon, où il avait peint dehors toute la voûte et tout à l'époque. Et qui est revenu, etc. Et qui a peint la frise du bistrot dont je te parlais. Ah oui. Petite Piaf. Voilà, c'est juste ici derrière. Oui, c'est la rue. Rue Véron. Ok. Et donc, de fil en aiguille, donc si tu veux, je suis parti aux États-Unis pendant 3 ans. Je suis parti 3 ans. Okay. Ça. Et quand je suis revenu, j'ai eu une sensation d'atterrir non plus en France, mais comme je le dis si bien sur le blog, à Sarcolande, une espèce d'état, si tu veux, une espèce de plateforme pour multinationales. Qui ne me correspondait pas du tout, quoi, et non plus à plein de gens. Je voyais les gens encore 2 fois plus tristes qu'avant, faisant 2 fois plus la gueule, surtout dans les transports en commun. C'est assez parlant. C'est pendant la crise, hein, les gens vivaient quelque chose. Et c'est là où je me suis improvisé contrôleur du bonheur, et puis après, ça a pris vraiment une consistance jusqu'au point de devenir déjà aussi une marque déposée, parce que chaque chaud des craint l'eau froide, mais aussi parce qu'il y a des projets derrière, comme. Avenir, comme de créer par exemple des t-shirts faits par des jeunes graphistes inconnus du grand public, histoire qu'ils se fassent connaître. Et des t-shirts faits par des gens du commerce équitable aussi, non pas par des petits chinois pour un bol de riz par jour. Grâce à ça, j'ai aussi fait il y a pas longtemps la rencontre de Bruno Solo, le comédien, qui est aussi le producteur du festival Humour en Capitale, que j'ai pu faire, où j'étais officier en tant que contrôleur de bonheur. À l'Olympia, au Casino de Paris. Est-ce que c'était préparé ou c'était d'improvisation? Non, c'était préparé avec un. Tu veux, comme dans le métro. C'est-à-dire qu'il y a une part où c'est un texte vraiment écrit, avec même pour les 4 bougonneries, un sketch prévu, etc. Et puis, quand tu sors des cassettes, tu peux sortir des cassettes, des préparations selon les personnes. Oui, voilà, exactement. Okay. Et puis j'improvise toujours aussi un peu derrière, en fonction des moments que je vis, etc. Et puis même quand je suis en phase d'écriture, si tu veux, je vais essayer de nouveaux trucs. Okay. C'est en même temps un excellent laboratoire. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a demandé il n'y a pas longtemps sur Facebook si ça cartonnait pour moi, si j'arrêterais, on n'aura plus la chance de me rencontrer en métro. Je dis mais non, au contraire, je continuerai parce que c'est une vraie nourriture. Et puis un effet boomerang. Oui, hein. Comme je te dis, sur le chemin, j'ai fait applaudir deux fois toute la rame. Il y avait 120 personnes à peu près. C'était archi bondé. Et toi, tu gagnes tes sous. En fait, c'est les gens qui vont te payer. Oui. Qui vont te donner de l'argent, c'est ça? Oui. Okay, alors, ah oui, c'est... Oh, il y a de tout. Hein. Il y a de l'argent, il y a des cigarettes, il y a des tickets resto, il y a déjà eu des tours Eiffel en porte-clés. Okay. Il y a déjà eu une fois comment ça s'appelle, zut? Parce que. Une brioche, merci. Okay, oui. Okay. Je pensais à donner leur de la brioche, sinon ah, okay. Une brioche, j'avais déclaré le mec sourire bon à marier. Okay. Parce que c'était un boulanger en plus qui cherchait une petite amie. Okay. Il m'a demandé si je pouvais lui trouver dans l'assemblée. Et puis ça s'est passé? Oui, en fait, pas cette fois-là, mais j'ai trouvé une fois une petite amie pour un mec. Okay. Et puis alors surtout, la plus belle rencontre que j'ai pu faire, oui. Si vous voulez, en faisant le contrôleur du bonheur, bien, c'est ma femme plurielle, moi, oh, c'est jovial. Qui était là et qui a vu le... Voilà, oui. Ben, et le charme, c'est... Ah, okay. C'était le coup de foudre. Le coup de foudre. Oui. Ah, ben, c'est bien. Oui. Ah, mais, écoute, j'ai 10 questions. Oui. 10 questions et tu peux soit y réfléchir, parce que là, je cherchais ma feuille en t'écoutant et oui. Je ne sais pas, je l'ai garé. Ça commence. Mais c'est pas vrai, j'ai fait plusieurs exemplaires parce que je savais que... Oui. Non, oui, oui, oui, oui, très bavard. Oui, tu dis bonjour et c'est parti. Il dégraisse. Oui, oui, mais il revient. C'est t'as bien vu, ça. Il a le talent de revenir toujours. Oui, oui, oui. Pas le fil, hein. Effectivement, effectivement. Si, pardon. C'est pas grave. Si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide, ce serait du champagne. Du champagne, pour le côté pétillant. Voilà. Ou le côté bourgeois. Non, le côté pétillant, un peu bourgeois, un peu snob et okay. Festif. OK, OK. Si tu étais une ville... Ah, ben pourquoi pas Paris. OK. Pourquoi? Parce que Paris recèle plein de beauté et plein de secrets, surtout. OK. Que tu te surprends de voir à chaque jour? Oui, complètement. Okay. Complètement. Je pense qu'on peut être encore surpris en tout en vivant dans cette ville et même la connaissant, on ne la connaît jamais par cœur. Elle nous surprend encore. Mm-hmm. Si tu étais une langue? Une langue? Nous sommes diffusés serait, à minuit et quelques poussières. Donc, ce serait une langue sexuelle. OK, OK. Cunilingus. Voilà, okay, exactement. Parfait, oui. Si tu étais une époque. Ah, alors là, je serais 1920, par exemple, dans les années folles. OK. Voilà, les années pour folles. Le côté extravagant, Côté extravagant, la beauté des choses, le sens, la beauté, le côté dandy. Et l'énergie qu'il y avait à cette époque-là. Oui, voilà, complètement. Et qui est perdue. Pourquoi crois-tu qu'aujourd'hui, on ne vit plus ce genre de... Parce que les gens deviennent de plus en plus coincés, malheureusement. Je trouve, se retrouve un peu plus en pourtant, dans avec les médias, avec Internet... Ben oui, mais justement, plus on avance là-dedans, plus justement les champs se réduisent. Et ça, les gens n'arrêtent pas de me le dire tous les jours, sous une forme ou une autre. C'est, par exemple, je trouve souvent sur mon blog... des réponses, des commentaires du genre « Cher contrôleur de bonheur, merci, je voyage sur cette ligne depuis 2 ans, pratiquement dans la même rame, la ligne B, par exemple. Okay. » Mais j'en fais plein d'autres aussi. Hein, mais comme je prends tous les matins, vu que j'habite Fresnes et que je prends le train Anthony, il y a des gens que je connais de vue, on se regarde comme des cons en chien de faïence, sans oser se parler. Et bien, grâce à vous, on s'est enfin parlé. Okay. Tu vois, donc si ça ne tient qu'à ça, ou alors quelqu'un d'autre qui me dit, mais c'est fou, tout le monde souffre de solitude, etc. On va s'inscrire sur mythique.fr et compagnie, alors que dans métro, ce serait un endroit propice à la rencontre. Voilà. Si tu étais un mot? Amour. OK. Pour tout ce que ça englobe, voilà. L'humanisme et tout. Complètement. Le reste. Si tu étais un aliment? Un animal? Non, un aliment. Un aliment. Ouh là là, alors ça c'est une question quelque peu ma foi, qu'est-ce que je pourrais être? Bon, parce qu'il y a tellement de choses bonnes à manger que du bon à manger. Que du bon à manger, selon toi, parce que le bon de mais chacun. Bon, bah, oui, mais chacun a son bon. Oui, bien sûr. Oh là là, qu'est-ce que je pourrais lui dire que j'adore comme délicieux? Ben, par exemple, oui, des fruits de mer. Des fruits de mer, OK, c'est bien. Si tu étais une saison, ben là, on te l'a soufflé. Hein, Si tu étais une saison, l'été. OK, l'été. Pourquoi? Ah, parce qu'il fait beau, il y a du soleil qui brille, même les femmes sont extraordinairement belles. Mais ce n'est pas un été intéressant, cette année, là, 2012, l'année dernière, c'était beaucoup plus chaud. Là, maintenant, ça reste encore à voir. Ouais. Ça reste encore à voir, bien que là, on a eu un mois assez pourri. Oui, exactement. Si tu étais un membre corporel... Mon sexe. Ok, un phallus, ok. Si tu étais un moment de la journée... Ah, le moment de la journée, la nuit. Pourquoi? Pour le sexe? Voilà. Et la tendresse que ça amène aussi. Ben oui. Si tu étais un autre individu... Un autre individu? Ah, chanteur? Comme? Ah, si j'étais un autre individu... Un chanteur, moi, oui, mais quoi, Francis Cabrel ou... Non. Non, ok, Léo Ferré. Moi, j'ai nommé le premier qui m'arrivait en tête. Là. Léo Ferré. Ah, Léo Ferré, ok. Pour l'anarchie, pour la vivacité, pour... Complètement. Ah oui, oui. Complètement. Est-ce que tu serais plus orchestral sur scène, est-ce que tu ferais appel à des musiciens ou des bandes magnétiques comme Léo Ferré? Des musiciens. Oui, c'est plus vivant. Si, ok, oui, ça c'est bon ça. Parce que c'est ma question 2012. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Oui. Ok. Oui, parce que ça me permettrait par exemple, déjà, de rencontrer la femme avec laquelle je de suis. De ta vie. Voilà, la femme de ma vie, ma femme plurielle. Ok. Me semble jovial. Ok. Et peut-être pourrons-nous nous voir à Québec? Qui sait? Moi, j'aimerais. Mais est-ce que tu fais des démarches pour faire des festivals du monde? Bien, j'aimerais justement faire. Alors justement, ça, c'est une question que je voulais te retourner en contrepartie. Puisque j'ai apparemment un super reportage qui va sortir dans le magazine Urbania. Oui, mais qui n'est pas sorti. Tu m'avais dit qu'il était sorti. Non, il va sortir, là. Il est sur le point. C'est un spécial Paris. OK. Donc, j'ai quand même... quelques bonnes pages dedans, ce que m'a dit Catherine, la rédactrice en chef. Okay. Je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'une radio québécoise et un magazine ne se concerteraient pas pour payer un billet d'avion aller-retour à ce cher contrôleur du bonheur? CKRL, le problème, c'est que CKRL n'est pas une maison de production comme les grosses radios ici. C'est la première radio communautaire francophone au monde, une radio libre. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les auditeurs ne se cotiseraient pas pour envoyer de quoi à la radio, payer un billet d'avion au contrôleur du bonheur? Pourquoi pas pendant le radio-temps de CKRL? Voilà, peut-être. Et que je vienne faire effectivement un contrôle de l'humeur au Québec. Ben, écoute, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et surtout, tu connais le festival Juste pour rire? Oui, bien sûr, ben alors, cousin avec le festival Humour en Capitale. Voilà, alors c'est peut-être en frappant à ces portes-là qu'éventuellement... J'aimerais. En étant diffusé à CKRL, je ne sais pas quand dans l'année, mais tu seras diffusé lorsque je serai rendu à Québec, je vais écouter mes émissions et il y a des créneaux qui sont plus propices pendant la période des fêtes, pendant la période Radio-Ton, pendant la période estivale. Hein. Et donc, je choisirai le moment le plus intéressant pour toi et... On sait jamais. On sait jamais, effectivement. Le monde est à nous, hein? Bien sûr, le monde est à nous. Et en plus, j'ai eu l'occasion de rencontrer à pas mal de reprises des Québécois en faisant mes contrôles, qui étaient forcément toujours souriants et qui m'ont dit « Mais venez chez nous au Québec, on a besoin de quelqu'un comme vous dans notre métro, parce que même si on a l'air très convivial, etc., c'est pas toujours très souriant. Bon, » Et là, je crois qu'il y a quand même des événements qui font que il y a de quoi. Ouais. Et puisque... Quand même, moi j'ai toujours eu en même temps un discours, j'ai toujours affiché mes idées sur le plan politique, tu veux. Bien que je prône au-delà de ça, je finis toujours mon discours, même quel que soit mon journal politique, puisque quand même pendant les trois ans d'existence du contrôleur du bonheur, je faisais un journal politique de façon assez sarcastique. Bien que je tapais aussi sur le dos de la gauche quand elle me méritait. Un peu comme le canard enchaîné. Voilà, puisque si tu veux, oui, on peut le dire, ou Stéphane Guillon, en tant que humoriste, puisque des moments, on a même repris les mêmes infos. Okay. Par exemple, si tu veux, je commençais dans ce journal politique toujours par les deux poncifs, en faisant Royaume Fabuleux, on travaille deux fois plus pour gagner moins, Royaume Fabuleux, on a raté sa vie, si on appelle Rolex à 50 ans, paraît-il. Et bien là, par exemple, il y a eu Julien Drey, qui était mêlé à des gros scandales, si tu veux, et qui avait été... à qui on avait reproché d'avoir une collection de 50 Rolex. Donc, pour un homme de gauche, etc., je disais, ah, ben voilà, un homme qui a 50 raisons d'avoir réussi sa vie, puisqu'il possède 50 Rolex. Et puis, je suis sûr, vous, chère madame, en apostrophant quelqu'un dans le public, que lorsque vous allez chercher pour vos enfants quelques t-shirts blancs et trois blousines au marché, vous faites un chèque en blanc, comme Julien Drey. Et la femme me disait, mais bien sûr, je suis sur vous, cher monsieur, lorsque vous allez suivre la compétition de judo de votre fils avec toute la famille, vous louez une suite dans un palace, comme je viendrai. J'en disais, mais bien sûr. Tu vois, à un moment donné, il y a eu aussi ces scandales avec l'avion loué à 117 000 euros. Vous vous souvenez, vous, l'avion à 117 000 euros loué par un ministre pour aller... Bah oui, parce que monsieur avait un agenda très chargé. Hein. C'était pour être de retour sur la photo de classe pour le remaniement ministériel. Ah, très bien. Et là, je disais aux gens, royaume fabuleux, nos ministres, par souci de ponctualité, vont jusqu'à se louer des jets privés pour la modique somme de 117 000 euros. Donc, tu prenais les petits... de travers pour voilà. Les en faisant 117 000 euros, ça correspond à 5 ans de SMIC. 117 000 euros, cela peut faire vivre deux Haïtiens pendant 70 ans. Ah oui. 117 000 euros qui viennent de votre poche, Ah non, vous, non, vous êtes encore trop jeune. Et même de la mienne, car tout saltimbanque que je suis, je paye néanmoins des impôts. Donc voilà, donc tout ça pour dire... C'est vrai que, et au-delà de ça, je terminais toujours, et ça je le dis encore, mais n'oublions pas qu'avant tout, c'est le royaume où un auteur a eu l'audace d'écrire « Une journée sans sourire est une journée de perdu ». Et c'est là-dessus qu'on nous quitte, on se quitte, mon cher ami, et on se retrouve à Québec incessamment. Sous peu. Alors, très heureux de t'avoir rencontré. De même. Et je suis sûr que d'autres choses arriveront pour vous, pour nous, et... À la revoyure, comme on est au Québec. D'accord, à la revoyure. Et moi, comme je dis habituellement à toi et à tous tes auditeurs, bon sourire à venir, mais à venir en un mot. Oh, OK. Alors, à bon entendeur, salut. Salut. Bye. Une question pour quoi faire entre quatre murs en fin de semaine. Merci. On va prendre l'avance un peu. Bien, faire tout ce que... Écoutez, on a quand même eu du beau temps ces derniers jours, donc on en a profité pour faire tout ce qui était à l'extérieur. Je suggère, c'est assez simple de faire tout ce qui va à l'intérieur. Alors, pourquoi pas? Et surtout, ce soir, de faire une petite exception. J'ai jamais fait ça. Et on va dédier ce bulletin à Stéphane, notre réalisateur qui part. Demeure tout displace dans. Tu marches dans-tu dans les rues, dans les vergers de la démence. Tu cherches encore, tu planes en or, tu gardes d'or, tu parais, tu dis parais donc, tu parais fort, tu dans le vin, champ blanc sommaire et dans lait, tu manges, tu t'en sens, tu mords, mon ami, tu ris, tu cries, tu pleures, tu chantes, tu bandes, tu penses, tu danses, tu pannes, t'en balances, tu pries de même, c'est dans la minace, c'est dans la mélasse, c'est dans sans l'excès, dans toute ta claque, c'est mon pourroir, c'est tabarnak, je prends la manne de fond mes mères. Le mineur, c'est leur patente, un pire à danser. Mais quand tu crées, tu m'enchaules les craques, ce monde est vert. Hein? Le médecin saigne-tu de sa face, tu me tends la blasse, tu me tends la blasse. Tant qu'entre l'homme image, on est la planète encore d'âge. Tu casses ta tasse, tu t'estagnes, t'es là, t'es large, tu flammes sans ta balle, sans tel miel. Oui, mais les rues sont belles, ciment qui tremble sous le sommeil s'éteint. La fenêtre est ouverte au ciel, c'est un matin, c'est un soleil, les nefs au clair, l'acte latente, le café chaud qu'on le sent dimanche éteint. Tu vas bien, mon ange, ton vol est d'or, faut que ça dérange. De la pléiade dans la misère, c'est une façon de voir, c'est pas une prière. C'est sans le temps qu'on file sans vent, tu plies, tu rames, tu planes, tu chantes, t'es un marin. Thank you.